À quantité égale d'alcool bu, la sensation d'ivresse est plus rapide chez un consommateur occasionnel, réponse A. Chez un consommateur régulier, réponse B.